Présenter Énergie Partagée, parce que Arnaud n'est pas là, il va être à Nice sur une autre journée de la transition dans le 06. Donc Énergie Partagée, c'est un mouvement qui est composé de deux structures, une association et un fonds d'investissement. L'association accompagne et fait la promotion des modèles citoyens pour la production d'énergie renouvelable. L'idée, c'est de se mettre à plusieurs, de créer des collectifs citoyens avec sa collectivité et d'investir ensemble pour développer un parc éolien, par exemple, et qu'on va gérer ensemble. Donc l'association qui fait la promotion de ces modèles, qui accompagne les projets, et un fonds d'investissement donc, qui récolte de l'épargne citoyenne pour investir dans ces projets-là. On a un salarié Énergie Partagée dans la région maintenant, donc il y a Arnaud qui n'est pas là aujourd'hui, mais voilà, si vous voulez en parler, je peux en parler.